cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalam. Ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhadna fi al-dars alladhi qabla hadha. Qawl Shaykh al-Islam rahmatullah alayhi. Faman sarafa منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف ماذا لغير الله؟ قال فمن صرف منها العبادة. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. C'est pour ça que juste avant il a cité beaucoup d'ibadat. الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء الخوف الرجاء etc. ما الدليل أنه سا مشرك كافر؟ تفضل. إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أحسنت. ثم إلى سيتي رحمة الله عليه بلوزيغ عبادات الدعاء والخوف والرجاء. إلى ديمونتخي رحمة الله عليه بأدلة القرآن أن سي شوز سي دي عبادات. إي دوني ou faire cette ibadah pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Ahsant, li'anna al-ibadah li khassa lillahi subhanahu wa ta'ala, haqqullah. Donc, il a donné ce haqq qui est que pour Allah, il l'a donné à autre qu'Allah. Donc, il a fait du shirk dans cette chose. C'est ça, shirk. Ils traduisent par associé. En arabe, shirk, sharik, al-andab. Al-Mathil. Tout ça, c'est des mots pour démontrer le mushrik. Il donne à Allah subhanahu wa ta'ala, ou il adore Allah, il adore un autre. Ça s'appelle du shirk. Ce haqq, il l'a donné à Allah et à autre. C'est ça, le shirk. Wa Sheikh al-Islam, il a défini l'ibad avec une définition tayyiba. Qui c'est qui se rappelle de la définition de Sheikh al-Islam? Rahmatullah alayhi. Tfaddal. Ou bil arabiya. Tfaddal. Bil loi al-francia. Toute parole acte. Toute parole, acte, hein? Apparent caché, dans le but de satisfaire Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Al-ibada, qala Sheikh al-Islam, fil ubudiyya, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah, wa yardah min al-aqwal, wal a'mal, al-zahira, wal batina. Inch'Allah, vous la noterez à la fin du dars. Hatta, vous la prenez. C'est une définition muhimma. Cette définition avec Al-Adilla qu'il a cité Cheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab هنا, Inch'Allah tu pourras expliquer هذا الباب avec une explication قوية avec des barahin, des hujaj. Il a cité comme ibadah Al-Dua. ما الدليل من القرآن أن الدعاء سن عبادة. تفضل. سيدخلون جهنم مكامو سيدخلون جهنم داخرين. ما الشاهد من الآية؟ quand on vous demande الشاهد من الآية أو وجه والاستدلال, أي c'est où dans le verset que c'est cité ou c'est démontré que العبادة ou que الدعاء c'est عبادة. أين في الآية؟ تفضل. أحسنت. الله سبحانه وتعالى قال يستكبرون عن عبادتي. إلى ستكواكم عبادة avant أين؟ ادعوني. أحسنت. وقال ربكم ادعوني الدعاء. ثم الله سبحانه وتعالى إلى ديمونتريكسي من عبادة أي سوكي غفوز إن الذين يستكبرون عن عبادتي إلى أبلي سفعل الدعاء عبادة. وفي السنة ما الدليل؟ تفضل. الدعاء هو العبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إلى سيتي رحمة الله عليه الخوف أو قبل ذلك الدعاء إلى سيتي دي points importants الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه pour différencier entre le دعاء qui est du shirk et الدعاء une demande c'est pas du shirk. Enfin, c'est quoi la différence عندك؟ Hein? Il a appelé comment, Cheikh Abdelaziz, fi shar? La bout qui soit hadir. Hadir. C'est le contraire de ra'ib. Enfin, s'il est ra'ib, il invoque. Et il n'est pas hadir. Hada, comme on a expliqué, c'est qu'il est un aqida. Wa illa, pourquoi il l'invoque? S'il ne peut pas lui donner, il ne va pas l'invoquer. S'il invoque, il est ra'ib, il est à la khatar. La deuxième chose, il faut qu'il soit qadir. Il faut qu'il ait le qudra. Ça fait sortir ma'ada, al-ajiz. Donc il faut qu'il soit hadir, présent, ça fait sortir le ra'ib. Il faut qu'il soit qadir, ça fait sortir al-ajiz, celui qui n'a pas de capacité. Al-thalit, il faut qu'il soit ma'ada, bil-arabiya, hein? Là. Il faut qu'il soit hay. Amma s'il est mayit, hada huwa shirk. Donc ceux qui invoquent un mort qui n'est pas présent, qui n'a aucune qudra, ce dua c'est du shirk. Li'anna, il a invoqué ce makhlouq dua ibada. Et ce dua al-ibada, il est khassun lillahi subhanahu wa ta'ala. Amma celui qui demande, comme on a dit, مع أنه لا ينبغي التوسع في الطلب في سؤال الناس. Faut pas prendre cette habitude. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لكن si t'es في حاجة في ضرورة et tu demandes de l'aide à une personne qui est présente, qui est capable, هذا c'est pas du shirk أبدا. لا أحد يقول أنه c'est du shirk. لأن الشرك dans le دعاء il y a un تعلق بغير الله. Et il pense que ce mekhlouk, il peut faire des choses qu'il n'en est pas capable. C'est ça, shirk. Thumma, akhadna al-khawf. Wa Cheikh Abdelaziz, il a expliqué qu'il y a plusieurs catégories. Un khawf, c'est du shirk, si on a peur d'autre qu'Allah. Et un khawf, c'est pas du shirk. On peut résumer en deux catégories. Indaman. Tfaddal. Al-awwal, c'est quand que c'est du shirk? Khawf mada? Khawf sir. ما معنى خوف السر؟ خاصة لله لأن هو السميع البصير. نعم. نعم. فلا يجوز أن تخاف من غير الله سبحانه وتعالى هذا الخوف. كما هو حال القبوريين أنهم ils ont peur des morts des awliya. La même peur que le mu'min il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est du shirk. La peur qui n'est pas du shirk, c'est laquelle? Indak? Khawf al-tabi'i. Ahsan, khawf tabi'i. Ma ma'na khawf tabi'i? Annahu yakhaf min shay? Avoir peur naturellement d'une chose. Il a précisé, Cheikh Abdelaziz. Une chose importante. Hein? Na'am, il y a un sabab. Il y a un sabab mahsous. Imma tu vois, imma t'entends. Et cette chose, elle peut te faire du mal. Et on a donné l'exemple avec un animal féroce, une arme. Ça, c'est des peurs naturelles. Il y a une chose, cette chose, elle peut te faire du mal et tu la vois. Donc il y a un sabab. Imma, le mort, tu ne le vois pas, il est enterré. Tu ne l'entends pas, il ne peut rien faire, il n'y a aucun sabab. Celui qui a peur de ce mort, c'est qu'il a une aqida que ce mort, il peut faire cette chose. S'il a une aqida que ce mort, il peut faire une chose, c'est ça, shirk. Il y en a le mort, il ne peut rien faire. Celui qui peut faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, al-makhlouq, il peut faire que si Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr. Fa-mathalan, l'arbre ou l'animal, man, c'est un sabab qadari. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr que l'animal féroce, il peut te faire du mal. Il a qadr qu'une arme, elle peut te blesser, elle peut te tuer. Si tu vois cette chose, ça va provoquer une peur naturelle. C'est pas du shirk. Amma, le mort, il n'y a aucun sabab qui peut te faire du bien ou du mal. Donc, tu n'as pas le droit de lui demander un bien, ad-du'a. On a vu que c'était du shirk. Si une personne, elle demande pour à un mort. Kadhalik, tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un mort. Les annahu, il n'y a aucun délil, aucun sabab qui montre annahu il peut te faire du mal. Donc avoir peur de lui c'est du shirk. Khawf sir. Khawf sir. C'est compris هذا. هذا c'est مهم. واليوم ان شاء الله نقرا ما يتعلق بالرجاء. قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وهكذا الرجاء. الرجاء traduit par espérer. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه dans son شرح il cite les définitions en arabe et c'est مهم هذا. C'est mieux que les traductions. Les traductions, d'aïman, on conseille nahnu et khouanana, annahum, ils évitent. Ne prenez pas l'habitude de traduire. Tu traduis raja par espérance, tu traduis khouf par peur ou crainte. Non, si tu comprends, alhamdulillah, lakin, faites des efforts dans les définitions en arabe. C'est ça l'ilm. Non, il y en a, ahyanan, des traductions, ben, souvent, tu n'auras pas la même ma'ana qu'en arabe. Kalam ahl al-ilm, il est fondé sur les définitions en arabe, pas sur une traduction. Donc si tu t'accroches aux traductions, Thomas, tu n'as pas de connaissance en arabe, l'explication des savants, tu seras perdu. Tu auras besoin d'une autre traduction. Aïe, du kalam du shir. Thomas, rien n'aime, tu cherches une traduction, tu n'en trouves pas. Thomas, tu ne peux plus avancer. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos frères. Annahum, ils te disent, lakin, c'est pas traduit. Je ne trouve pas ce livre traduit, ce cours traduit. Si tu attends les traductions, tu n'avanceras pas dans ton din. N'attends pas les traductions, non, c'est puise. Ou que les gens ils ont puisé. Min al-ulama, min al-a'imma, min al-talabat al-ilm. Walillahi alhamd, t'as des exemples que des frères comme toi, francophones, ils connaissaient pas l'arabe, ils ont fait des efforts. Walillahi alhamd, ils comprennent maintenant. Donc, awalan, ne pas se dire c'est pas possible, c'est trop dur. Ça c'est khotwa, min khotwa al-shaytan pour te bloquer fil ilm. Mais c'est très très simple. Lakin, il faut trois choses. Al-ikhlas, sois sincère. Les efforts et la régularité et la patience. Avec ces trois choses, bi'idhnillah, tu arriveras. Un an, deux ans, cinq ans, muhim, tu arriveras. Un jour, tu liras et tu comprendras. Ça, c'est important, la langue arabe. Et nous, on fait volontairement dans les dolos, on ne traduit pas tout. Awalan, ça prend du temps, et le temps, il est important. Et le mettre ce temps dans les traductions, là, ce n'est pas une solution. Et ثانياً, si on s'accroche trop aux traductions, on ne fera plus des efforts dans l'arabe. Et là, on est des êtres humains, on ne peut pas tout faire. Donc les efforts qu'on fait, même s'ils sont minimes, ils sont peu, on les met dans la langue arabe. Ça, c'est important. لِهَذَا حَتَّى vos réponses symptômes la langue arabe. Dès que vous révisez, révisez avec la langue arabe. C'est pour ça que nous, on vous explique le shahd de Cheikh Ibn Baz. مَتَلَنْ la مَسْأَلَةَ الدُّعَى qu'il soit حَيْ حَاضِرْ قَادِرْ. T'as pas besoin de, en français, t'as les mots devant toi, ils sont écrits. Cheikh Ibn Abd al-Aziz قال لكن دعاء الحي الحاضر القادر. Tu notes هذا et tu le répètes. Si tu n'as pas compris, tu demandes. Ça veut dire quoi حاضر? Ça veut dire quoi قادر? Dès que tu as compris, tu réponds et tu comprends et tu t'habitues avec ces mots. حتى ils vont être maîtrisés. Tu verras que dans les prochains cours, inshallah, tu referas هذا. Que ce soit dans Kitab Tawhid, que ce soit dans Qa'id al-Arba, que ce soit dans la Waqid al-Islam. Tout ça, tu verras un chapitre fi du'a, ou ma yata'alaq bi du'a, et tu auras besoin de ces mots. Et ça va être acquis. Thomas, tu passes dans le fiqh, kadalik. Matalan, si tu fais sifat al-salah, tu apprendras des mots à sujoud. Tu t'habitues à tahara, tu n'as pas besoin de dire les ablutions majeures, mineures, tout ça. Tu dis al-wudu, al-tahara, al-tayammum, al-ghusl. Al-ghusl min al-janaba, tu t'apprends à dire ces mots, et tu n'as pas besoin de dire. Bardom, ils disent les ablutions sèches. Allah musta'an. Les ablutions sèches. Tayammum. Wallahi. Ana, je pense. Tayammum, c'est plus simple que les ablutions sèches. Tu dis à certains francophones, tu lui dis ablutions sèches, il ne comprend pas grand chose. Tu lui dis tayammum. Et tu apprends comment faire tayammum. Tu lui expliques que tayammum, c'est quand tu n'as pas d'eau. Ou il y a de l'eau et tu ne peux pas l'utiliser. Et tu lui expliques. Tu tapes tes mains sur une surface poussiéreuse, Thomas, t'essuies ton visage, tes mains, ma'rouf, sifat al-tayammum. Et tu dis tayammum, t'as pas besoin de ces mots. Fibab al-sifat, c'est a'azam. Pardon, ils emploient anthropomorphisme, tous ces mots qui veulent rien dire. Et ils délaissent les mots que les salafs ils ont employés. Khassadan ahlul bid'a wa dhalal, ils ont vers un bab avec les mots, ils jouent sur les mots pour égarer les gens. Anta, tu cites istilahat al-ulama, khassatan fil aqida wa tawhid. Habituez-vous. Et on vous avait déjà conseillé, vous notez les nouveaux mots dans un cahier et vous recherchez des traductions ou des explications ثُمَّ tu emploies le mot en arabe. Ça, c'est important. Ça, c'est une nasiha fima yata'allaq bi hadha. On l'a fait souvent, frère. Wa inshallah fiha fa'ida. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, on a dit dans son sharh, il définit en arabe. Et on l'avait étudié ma'a ikhwanina hadha al-sharh al-muhim. Et fi al-raja, قال الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال. Ça c'est طيب. تأمل cette définition, on va vous l'expliquer الآن إن شاء الله, avec, compare avec la traduction espoir, espérance. Tu connais, vu qu'on est des francophones, on sait ça veut dire quoi espérer. Là, en langue arabe, ça change tout. طمع الإنسان, الإنسان يطمع, il pense qu'il peut. Il pense que cette chose, il peut l'avoir. Donc il espère. C'est ça, Raja. فَنَحْنُ نَرْجُو الرَّحْمَ مِنَ اللَّهِ. On sait qu'Allah il est Ghafour et le Rahim. On sait, on connaît les causes pour qu'Allah il nous pardonne, il nous fasse Rahma. Donc, on sait que c'est quelque chose de proche. C'est pas quelque chose d'impossible. Donc, نَطْمَعْ فِي هَذَا نَرْجُو هَذَا. On fait des efforts et on a un حُسْنُ الظَّنْ بِاللَّهِ. Et ça c'est important, الرجاء, لأن بعض الناس والعياذ بالله ils ont du قنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله. Et ça c'est grave. Ils désespèrent. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas leur pardonner. Et vous l'avez déjà entendu, عند بعض العوام مساكين, tu lui dis يا أخي في الصلاة délaisse ses ma'asi, délaisse ses choses, ça te fait du mal. بعضهم il te fait comprendre أنه c'est trop tard. J'ai été trop loin, j'ai fait trop de choses. Et il pense que c'est fini. Ar-raja tam'u al-insan fi amrin qarib al-manal. L'insan il espère une chose qui est très proche. Et rahmatullah elle est qariba. Allah subhanahu wa ta'ala il est qarib. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala il t'entend, il te voit, c'est lui qui t'a créé, sait que tu es faible. Désespère jamais. Ar-raja, bien sûr avec le khawf. Vous avez remarqué que Cheikh l'Islam, il a cité le khawf tout marraja, les anna, ça va ensemble. Hatta ba'du al-a'imma, ils ont comparé al-khawf wa al-raja aux deux ailes d'un oiseau. L'oiseau, pour s'envoler, il a besoin de deux ailes. Hakad al-mu'min, pour avancer, il a besoin de deux choses. Al-khawf, ça te fait pas pencher, comme ils ont fait al-murji'a, ou ghulat al-sufiyya, ils ont plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-raja, faqat. Ils ont pas de khawf. Il fait une chose, tu le conseilles, il te dit, mais Allah, il est Ghafour Rahim. C'est pas grave, il minimise tout. Ça, c'est grave. Et annahu, les péchés peuvent endurcir son cœur et il s'égare. En dhalal ba'id. Kadhalik, t'as besoin de raja pour pas tomber dans le désespoir. Al-qunut, min rahmatillah, al-yas. Attends, tu désespères. Tu le conseilles, il te dit, moi, c'est trop tard. Je peux plus m'en sortir. Je vais aller finir nar. J'ai trop fait. Ça, c'est du roulou, fait le khawf. Et il a délaissé al-raja. Al-mu'min, les deux. Yakhaf min Allah, ça l'empêchera de faire des zonou. Ou de faire tawbah s'il a fait quelque chose. Et kadhalik yarju. Annahu, il a husn al-dhan billah. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Il est ghafour, il est rahim. Ça, c'est un bab important. Al-khawf wa al-raja. Tout ça, avec le mahabba. T'as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك la mahabba. Tu fais ça par amour. Et l'adoration et le délaissement des interdits. Tout ça parce que t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est arkan al-ibada. Al-khawf wal-raja wal-mahabba. Et ça viendra, inshallah, dans des durous. Si il ne le cite pas ici, Cheikh Abdelaziz bin Baz. فَالرَّجَاء طَمْعُ الْإِنسَانِ فِي أَمْرٍ قَرِيبِ الْمَنَامِ. قال وقال شيخ العثيمين وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. نعم على كل حال tu espères خاصة مع الله سبحانه وتعالى. Avec Allah سبحانه وتعالى on doit avoir الرجاء et on doit avoir le khawf كذلك. لكن on a حسن الظن بالله. قد يقول قائل comment je fais pour régler tout ça. Il y a بعض الناس ils pensent plus vers le khawf ثم يسقاه والعياذ بالله. بعض الناس كالخوارج. Pour eux, à peine quelqu'un il fait une kabira, pour eux il est finnar. Les noms ils ont du roulou fi hada. Allah il est ghafour, il est rahim. Al-murji'a كذلك ils ont du roulou fi bab al-raja. Il fait des masa'ib, insan, Et pour eux, là, ça ne fait aucun mal à son iman. Quand il y a le qa'il, on répète la question, comment faire pour régler tout ça, al-khawf wal-raja, pour être à la manhaj al-salaf, al-ilm. Bien sûr, avec l'ikhlas, al-du'a. Lakin, al-ilm, c'est important, khasatan ilm, al-asma'i wal-sifat. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, il saura que Allah il est shadid ou l'iqab. Allah il est très dur fait l'iqab dans le châtiment. Ça le poussera à avoir peur. Il sait qu'Allah c'est le qawi, c'est le jabbar, c'est l'aziz. Tous ces noms, ça pousse l'être humain à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est à la kulujin qadir. Allah il a créé une mare. Kadhalik, il sait qu'Allah il est ghafour, il est rahim, c'est le ghaffar. C'est Arhamur Rahimin. Tout ça, il va savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Lakin, il est miséricordieux. Il a de la rahma. Ça va le régler. Et de temps en temps, quand il voit qu'il pousse, il fait des péchés, il a trop de tasawul, il fait passer Bab al-Khawf. Quand il a des faiblesses, il est malade. Rubbama, il peut mourir d'une maladie, il commence à faiblir, il fait passer Bab al-Raja. لأن الله إلى غفور إلى رحيم يدوى مغيب على حسن الظن بالله هكذا المؤمن إلى غيب غيغل سي شوز بالعلم توس سي عبادات كنا سيتي راجعوا كلام شيخ ابن عثيمين dans son شرح إلى سيتي دي تعريف طيبة vous les recopiez et vous les écrivez dans ce livre qu'on fait نحن le شرح de شيخ ابن باز tu recopies les définitions de شيخ ابن عثيمين Inch'Allah, ce sera nafi' pour toi. Qala, Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, wa hakadha ar-raja, ibadatun azimah, fayarju Allah, wa yuhsin bihi adh-dhann, kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, faly'amal 'amalan salihan, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahad. Vous avez remarqué qu'il a cité Allah subhanahu wa ta'ala ar-raja. Faman kana yarju أي يرجو رحمة الله يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى إلى حسن الظن بالله لكن العمل أما placer ses espoirs espérés الرجاء et aucun effort dans العمل هذا c'est من الخذلة لا الرجاء حسن الظن بالله et كذلك les efforts et parmi les plus grands efforts que tu peux faire أيها المسلم c'est que t'adores الله سبحانه وتعالى et tu t'écartes du shirk فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال فالرغبة إليه ورجاء ما عنده عبادة له سبحانه وتعالى لست عبادة ونسبغ الرحمة من الله لأن الله كلا قصد أما السوك دون ست عبادة أمه يرجو من سيد فلان أو من الولي فلان أنه إلوي جيغي سون أنفان أنه إلوي باردن بعض بعض القبوريين يزون ست عقيدة والعيد بالله نحن نرجو من الله لأنه سكس الله كده نرجو من الله سبحانه وتعالى الشفاعة أن يشفع فينا من شاء سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أما بعض المشركين ست عبادة إلا دون أترك الله فيرجو من مخلوق من ميت من عاجز كي لبدن تلشوز تلشوز قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال الشيخ عبد العزيز فالرغب الرجاء نعم ça ressemble الرغبة ça ressemble الرجاء والرهبة ça ressemble الخوف comme on va voir quand Cheikh l'Islam il va le citer وكلاهما عبادة تقدم معنا الخوف on a vu الأنواع الرجاء كذلك الرجاء العبادة tu la donnes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala al-'abd an yuhsin dhannahu bi rabbih wa ya'mal bil asbab al-shar'iyyah wa inna adh-dhann al-hasan ma'a al-akhd bil asbab ya'ud 'ala al-'abd bil khayr. Bien sûr, bi hadha al-qayd. Adh-dhann hasan. Adh-dhann c'est une pensée. Al-hasan c'est t'as une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhsin adh-dhann bi rabbik annahu yataqri. Il t'a facilité, il t'a guidé. Il veut te faire rahma, il peut te faire rahma. C'est lui, arhamur rahimin. Fais les causes, faqat. Comme a dit le Cheikh Ibn Baz, al-akhdu bil-asbab, ya'oud ala al-abd bil-khayr. fait les asbab et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimi. Min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, et tu dois avoir un husn al-dhanbi, c'est que chaque hasana que tu fais, c'est multiplié par 10. Comme on a vu dans notre dars, dans As-Siyam. Naam. As-Siyya, le péché, il est compté que 1. Al-Hasana, c'est multiplié par 10. Tu dois avoir un husn al-dhanbillah. Tu fais une faute, elle est comptée une faute. Tu fais une hasana, elle est multipliée par 10. Et ça peut être multiplié par 700, comme a déjà fait le hadith al-Sahih. Il la somme. Amma somme, ça peut dépasser les 700. Qala azza wa jal, ana ajzi bihi. C'est une ibadah azima, as-siyam. Naam. Si tu as compris ça, tu auras un husn al-dhanbillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Tu fais une erreur, un péché, tu fais tauba, Allah il pardonne tout. T'es pas pris en compte. Allah il pardonne tout. Celui qui rentre dans l'islam, il fait tauba, Allah il lui pardonne tous ses sayyat en hasanat. Pendant 30 ans, 40 ans, il a fait des ma'asi, al-kufr, wa ghayr al-kufr, il fait tauba, toutes ces années, c'est remplacé par des hasanat. Comment tu vas avoir un sou al-dhan wa la'yadu billah? T'as fait une erreur, tu fais tauba, Allah il te la pardonne. Tu fais pas de tauba, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te la pardonner, yawm al-qiyama. Husn al-dhan bih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tout ça, bien sûr, on ne doit pas faire comme al-murji'a, iyadan billah. Anna, on cite ces adillah, thumma, on se laisse aller fil ma'asi. Là. Anna, il y a des asbab. Et kadhalik, on a cité au départ que pour régler tout ça, tu te rappelles le khouf, كذلك ان الله il est شديد العقاب. ان النار c'est pas simple. Même rentrer ou l'aïadu billah fi jahannam quelque temps et espérer ressortir, ce temps déterminé fi النار il est pas simple, akhi al-karim. Fatakhaf min Allah, takhaf min adabi. Qala al-Sheikh Abdul Aziz ya'ud 'ala al-'abd bil khayr wa bil rahma wa bi dukhul al-janna wa bi maghfirati adh-dhunub. فربنا سبحانه وتعالى إلى كريم إلى غفور إلى رحيم نعم سلودود عز وجل فأنت تحسن الظن به اتام الله سبحانه وتعالى اتام صنع خفة عليه الصلاة والسلام tu fais des efforts, si tu as des faiblesses tu fais tauba, tu te reprends et tu désespères jamais et كذلك ne te repose jamais sur tes acquis. Anna, t'as compris, j'ai du ilm, j'ai fait. Awalan, tu ne sais pas si c'est accepté. Thaniyan, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Fa al-a'mal bil khawatim. Fa inna ar-rajul ya'mal bi'amali ahli al-janna hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dhira' fa yasbiq alayhi al-kitab fa ya'mal bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toujours tu places ta confiance en Allah et tu fais du'a et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. L'essentiel, c'est tu vas mourir sur quoi? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne une fin tayyiba. Qala Sheikh al-Islam, après avoir cité Ar-Raja, qala wa dalil at-tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh 'ibadatun 'azima at-tawakkul. Qala Sheikh al-Uthaymeen at-tawakkul 'ala al-shay الاعتماد عليه الاعتماد الاعتماد c'est s'accrocher à une chose, revenir à une chose. Tu places ta confiance en cette chose. قال والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله. C'est ça le تعريف. الاعتماد على الله. Tu places ta confiance en Allah. كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار. Pourquoi tu places ta confiance en Allah? Al-i'timad ala Allah. Pourquoi? Li'anna, c'est Allah qui peut te donner un bien ou te repousser un mal. Donc, pourquoi placer ta confiance en un autre? Si Allah, il a décrété et il veut que ce bien se te touche, فَلَوْ اِشْتَمَعَتَ الْأُمَّ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكُ بِشَيْءٍ أَوْ يَنْفَعُوكُ بِشَيْءٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ لَمْ يَضُرُّوكُ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ pour الخير. Donc, si toute la umma, djinn wa insi, se rassemble pour te donner un bien ou t'enlever un bien ou te donner un mal ou te repousser un mal, ils ne pourront pas, sauf si Allah il l'a voulu et il l'a qaddar. Donc, al-i'timad, il est à Allah. La tut'ib nafsak avec les gens. La tut'ib nafsak. Ba'dahum, wa rubbama ila anta'fi al-tawakkul, fa idalas une ibada azima. Pour le travail, mathalan. Si je fais salat à l'heure, ou si je fais le hajj, il va peut-être me renvoyer, il ne va pas me reprendre, il va me donner un avertissement. Rubbama, il y avait des primes, je ne les aurais pas. Tawakkal ala Allah, c'est Allah qui donne. Et si tu délaisses quelque chose pour Allah, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Man taraka shay'an lillah, awwadahu Allah khayran minh. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Fa tawakkul, celui qui a un tawakkul qawi, sa salat, il la fera toujours à l'heure, où qu'il soit. S'il a de l'argent, il fait le hajj, il travaille ou il ne travaille pas. Al-hijra, il la fera. Il sait que c'est Allah qui donne. En France, je mange, j'ai un loyer, je vais au médecin, etc. Je vais dans le bled musulman, je vais mourir de faim, khalas. Aïna tawakkul ala Allah. Allah amrak bil hijra, et c'est lui qui donne. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin, wala an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah amrak bil ibada. Et dans ce amr, il te montre que c'est lui qui donne. Et c'est pas toi qui donne. Tawakkal ala Allah, c'est tout. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman kathira wa sa'a. Celui qui fait le hijra fi sabilillah, bien sûr. Ça n'y est, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un projet, c'est pas tout ça là. C'est une ibada, il fait ça pour Allah. Allah il ouvre les portes de dunya et tout ce qui concerne l'akhira, les deux. يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة توكل على الله. أما si on a des faiblesses في التوكل, ça sera très dur. Tu vas commencer à faire la, ou tu vas vouloir faire la hijra, tu vas commencer à penser à l'hôpital alors que personne n'est malade, tout va bien. الشيطان بل الشيطان يوسوس البعض. Il pense pas à un loyer, il veut être propriétaire. Pourquoi tu serais propriétaire dans un pays musulman alors que ça fait des décennies que tu loues? Pourquoi tu ne louerais pas chez les musulmans comme tout le monde? Et tu tawakkal ala Allah. Tu payes ce loyer ce mois-ci, l'autre mois, et Allah s'est iftah. Alhamd, on vit dans un pays musulman, on ne voit personne vivre dehors. Et là, al-qalil, comme en France, il y a des gens qui vivent dehors, et ici, il y a un très faible pourcentage. Alhamd, tout le monde a son foyer. Il faut de la patience. Ce qui va régler tout ça, et il va te faciliter. التوكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ستا مؤمن قال إيمان قوي توكل على الله سي الله كدن سي الله كدن سكي تقدر الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن مسعود ديك تتي دون الفونتر دو تا مير ديك لو ملك يدسان يتقدر تو تون رزق tu vas mourir quand tes a'mal shaqi sa'id, est-ce que tu vas rentrer fil janna ou fil nar, fais des asbab faqat. Amma ar-rizq c'est Allah, c'est Allah qui donne. Fais des asbab fil ilm, fais des asbab fi al-ibada, fais jihad an-nafs, jahid nafsik, jahid ash-shaytan, et tu verras que ar-rizq c'est quelque chose de simple et c'est pas alayna, bien sûr en faisant les asbab. لكن دلس عبادة عظيمة pour cette chose. هذا صلى الله عليه وسلم صلى الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. نعم فقال شيخ ابن عثيمين الاعتماد على الله تعالى كفاية وحزبا في جلب المنافع ودفع المضار. جلب المنافع أي un profit, un bien qui te touche. دفع المضار repousser un mal. Tout ça place ta confiance en Allah. Bien sûr, قال وهو من تمام الإيمان etc. Thomas, il a démontré, mais il est allé avec bien sûr, en prenant les asbab. Amma délaissé les asbab, là. On prend les asbab, là, qui n'est asbab shar'iyya. Tu ne fais pas des asbab qui contredisent le din, là. Des asbab mubah shar'iyya. Amma le haram, ce n'est pas un sabab. Ce n'est pas un sabab. Le haram, ça te t'égare du droit chemin. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وهكذا التوكل عبادة وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله في كل الأمور. Ça rejoint la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, que ça soit pour un bien ou repousser un mal. Bien sûr, مع أخذ الأسباب. قال فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق. des exemples tayyiba. As-salama min ash-shar. Tawakkal 'ala Allah. Un mal qui te touche, que ce soit dans ton din, que ce soit ta maison, que ce soit ton corps, que ce soit tes enfants, tawakkal 'ala Allah. Wal-'afiya min al-fitan. Tawakkal 'ala Allah. Bien sûr avec du'a et en prenant les asbab. Wa husul ar-rizq. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هكذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه. Si vous placerez votre confiance en Allah, un tawakkul sahih, il vous donnerait le risque comme il donne au tayr. Le tayr, l'oiseau, le matin, il sort, il quitte son nid pour chercher du risque, et le soir, il revient dormir. Il a mangé tous les matins. Tu vois pas les oiseaux tomber et mourir de faim? Jamais. Si on place notre confiance, Allah il te donnera comme il donne à son tayr, en prenant les esbab. Et on répète, le haram, c'est pas une solution. C'est pas les kuffars qui donnent, c'est pas les aides. T'arrives à manger grâce aux aides, ils te donnent, c'est pas ça. Ça, c'est une épreuve, faqat. Kabmin muslimin, ils sont pas chez les kuffars, ils ont aucune aide. Wallahi alhamd, ils travaillent comme ils peuvent, ils font des efforts. Et ils arrivent à manger, bel, ils mangent très bien et ils sont fait ni'ma. Et leur dîn, il est préservé. Et c'est dunya, ya akhi. C'est dunya, même si tu manges moins, même tu as moins de confort, dunya, ça va passer. Ça va passer, ça passe très vite. Et tu auras des comptes à rendre sur ton din. Pas sur t'as mangé ou t'as pas mangé. Là, tu auras des comptes à rendre sur ton din. Et bien sûr, manger du halal. Qala wa fi dukhul al-janna wa an-najat min an-nar ma'a al-akhd al-asbab, ma'a al-akhd bil asbab al-mashru'. Cheikh Ibn Baz précise al-asbab al-mashru'. Et qui sont cités dans le shar', pas des interdits. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه آية عظيمة تأملوا هذه الآية مديتي sur cette آية ومن يتوكل على الله من s'englobe tout le monde c'est من الفاظ العموم ومن يتوكل على الله donc on est tous concernés il faut qu'on place notre confiance en Allah توكل فهو حسبه أي كافيه. Si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, yakfik, il te suffira Allah subhanahu wa ta'ala. Il te donnera, tu n'auras pas besoin d'aller chez les autres. T'es malade, il te guérira subhanahu wa ta'ala. Il t'efface tes péchés, il t'élève en degré. Tu places ta confiance sur l'ilm, il te donnera. Faqat tawakkal ala Allah. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية قال الشيخ عبد العزيز وهكذا الرغبة والرهبة والخشية نعم الشيخ ابن عثيمين إلى دفني الرغبة بمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب الرغبة c'est tu aimes arriver à une chose qui est cette chose elle est aimée mahboub ça ressemble à quel mot al-raghba ça ressemble à quel mot qu'on a vu là al-raghba ça ressemble à quel mot qu'on a vu al-raja et t'espères atteindre cette chose qui est mahbouba عند Allah al-raghba tu veux le jannah tu veux les bonnes choses qala al-raghba c'est le contraire الخوف المثمر للهرب من المخوف نعم quelque chose qui fait peur et tu t'écartes فالرغبة c'est une approche الرغبة c'est tu t'écartes شيخ ابن عثيمين قال فهو خوف مقرون بعمل طيب c'est quoi la différence entre le خوف et الرغبة الرغبة c'est une crainte une peur لكن avec un عمل donc tu t'écartes أما الخوف c'est un عمل du cœur donc الخوف tu auras un amal de ton cœur, tu n'aimes pas cette chose. Si tu t'écartes, c'est al-rahba. Qala Ibn Baz, wa hakata al-rahba wal-rahba wal-khashya min Allah ta'ala kullu hadhihi ibadat. Qala ta'ala an al-anbiya wal-salihin innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yani khaifin yakhshawna Allah wa yakhsha'una li'azamatihi ay yadhillun. Na'am, hakada al-mu'min. هكذا المؤمن il est modeste il a de l'humilité il craint Allah subhanahu wa ta'ala Cheikh Ibn Baz il avait parlé قليلا de الرغبة والرهبة في الخشية في الرجاء أقصد ça ressemble والرغبة ça ressemble au خوف فلهذا il n'a pas détaillé هنا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ست عبادات الإنابة والاستعانة قال شيخ ابن عثيمين الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ça ressemble à quel mot الإنابة en arabe أحسنت التوبة الرجوع إلى الله tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des أفعال tu fais les obligations et tu t'écartes des interdits ça ressemble à التوبة قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهكذا الإنابة عبادة قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والإنابة معناها الرجوع إلى الله والتوبة إليه donc c'est une معنى proche de التوبة والاستقامة على طاعته avec des أعمال فالتوبة elle est accompagnée de أعمال فهذه عبادة الله يجب على الناس أن ينيبوا إلى الله ويرجع إليه ويتوب إليه ويستقيم على طاعته نعم فالعبادة لله العبادة c'est pas pour un مخلوق n'essaie pas de satisfaire المخلوق لأن المخلوق il sera jamais satisfait satisfait Allah subhanahu wa ta'ala ثم تتعامل مع المخلوقين avec les gens pour rapport au sharia pour rapport au din si c'est du din تتعاون si cette personne elle veut pas de din ou elle combat de din ou elle est pas satisfait parce que tu appliques ton din cette personne elle te fera aucun mal Allah elle se fait du mal à elle-même اجتهد توب الى الله si tu as fait des erreurs استقيم على الطريق comme a dit الشيخ بن باز ويستقيم على طاعته inshallah tu seras على خير قال الشيخ بن باز وهكذا الاستعانه عباده قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه الاستعانه طلب العون الاستعانة طلب العون tu demandes de l'aide c'est un dua on l'a vu dans le dua لكن الاستعانة c'est خاص pour demander de l'aide et vous allez voir الاستعادة et vous allez voir الاستغاثة tout ça c'est des dua لكن الاستعانة c'est plus précis c'est que pour la demande d'aide on appelle ça بالعربية الاستعانة كما قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين قال الشيخ بن باز وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيستعين العبد بالله فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم أعني على طاعتك اللهم أعني على كل خير إلى غير هذا تستعين بالله في كل المهمات ça c'est important dans ta hijra استعين بالله dans ta salat استعين بالله C'est pour ça qu'à la fin de Salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, il a légiféré ce hadith, ce dua. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Fasta'in billah fil ibada. Sta'in billah dans l'ilm. Demande l'aide à Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes fil ilm, inshallah on y arrivera, il y aura du khayr. Enfin, on ne se repose pas sur nos acquis, ça c'est une erreur. Ou sur notre force, ou sur notre intelligence, sur notre mémorisation. Tout ça, c'est des asbab. Allah, il peut t'éprouver avec une maladie. Tu oublies tout, tu n'as plus de force. Fasta'in billah, azza wa jal. Et هذه الاستعانة, c'est une عبادة. الحذر, الحذر, أيها المؤمن, أيها المسلم, تستعين بغير الله, فيما لا يقدر عليه إلا الله. On revient en trois conditions qu'on a citées في الدعاء. الاستعانة بميت, أو بعاجز, أو بغائب. Tout ça, c'est من الشرك. أما s'il est présent, il est vivant, il est capable, تقدم معنا في الدعاء. قال وهكذا أو أنلي كلام شيخ الإسلام ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس فسر الاستعاذة قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الاستعاذة طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه نعم الاستعاذة tu demandes Allah qui te repousse un mal الاستعاذة c'est demander de l'aide C'est plus global. Tu demandes de l'aide, que ce soit pour un bien ou repousser un mal. Al-isti'adha, ça ressemble à qu'un. Al-arab, ils emploient ce mot que pour repousser un mal. C'est pour ça que dans le verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ أي تستعد بالله عز وجل من الشرور. Donc c'est ça l'isti'adha. قَالَ شَيْخُ بْنُ بَازٍ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّرُورِ wa talja ilayh. Vous avez remarqué que Cheikh Abdelaziz, il a cité al-shurur pour l'isti'adha. كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله من الشيطان. Et ça c'est important. أكبر عدو. C'est un عدو يمكر ليل ونهار. Nuit et jour, il veut égarer l'ibad. فاستعذ بالله منه. C'est un عدو que tu vois pas, tu sens pas, t'entends pas. Et il fait tout pour égarer. فأنت استعذ بالله. لا تفكر في الاستعاذة بغير الله. C'est un باب خطير. بعض الناس ils vont والعياذ بالله عند السحرة. Ils vont chez les morts. Il y a son enfant, il a été touché par tel mal. Ou lui, il est malade. Tout ça, الاستعاذة ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما ces choses, demander الاستعاذة من غير الله, tout ça, c'est ce qui veut الشيطان. فربما الشيطان il fera encore plus de mal pour que cette personne elle demande à autre qu'Allah. أما si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, فكيد الشيطان للضعيف. قال ومن كل مؤذي. Toute chose qui te fait du mal. ومن كل عدو. أمر مأمور به. Donc, ça c'est la première étape quand tu es touché par un mal. استعذ بالله. استعذ بالله. Ça soit une maladie, ça soit un عدو, ça soit un voisin, ça soit un munharif. نعم. Ça soit un kafir, ça soit un fasiq. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala an yakfik sharra. C'est ça l'isti'adha. Qala shaykh al-islam wa dalil al-istighatha qawluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-aya. Qala shaykh ibn baz wa hakadha al-istighatha 'ibadatun an tastaghith billah fi ash-shada'id min 'adu. Na'am, fa la définition qu'il a cité shaykh ibn Uthaymeen qala الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. C'est dès que t'es fait شدة أو هلاك. C'est plus fort que l'استعانة. نعم. فالاستعانة c'est global. Tu demandes de l'aide. الاستغاثة أو الاستعاذة le deuxième تستعيذ من الشرور. الاستغاثة c'est encore plus fort من الشدائد والهلاك. Et les trois c'est الدعاء. في الحقيقة نحن ربما on n'emploie pas ces mots استعانة استعاذة استغاثة. On emploie beaucoup de دعاء. T'es malade maintenant, on dit fais du دعاء. T'es touché par une grosse épreuve, fais du دعاء. Tu veux un bien, fais du دعاء. Tout ça c'est من الدعاء. لكن c'est important de connaître هذه الاصطلاحات. Pourquoi? Parce qu'elles sont citées في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Et كذلك العلماء les emploient. حتى أنت tu sais quand ils disent استعانة استغاثة استعاذة, tu sais c'est quoi المراد. قال الشيخ عبد العزيز وهكذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو أو تطلبه أي من الله إنزال الغيث المبارك أو يكشف الضر. نعم même la sécheresse. La sécheresse c'est une بلوى ابتلاء et c'est une شدة على الأمة أي qui est touchée par la sécheresse القحط. يستغيثون بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في ديسمبر المطر النافع. قال كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله سبحانه وتعالى يغبون. قال شيخ الإسلام ودليل الدبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قال شيخ ابن باز وهكذا الذبح عبادة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. هذا الشاهد من الآية. نسكي النسك الذبح. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كذلك في الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح سين عبادة. القصد l'intention et التسمية. Il y a deux choses في الذبح. Et tout ça on ne détaille pas هنا لأن les détails, c'est dans des autres livres. Amma al-dhabh, c'est connu. An-niyya, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik at-tasmiya, tu dis bismillah. Amma ceux qui sacrifient pour les morts, wal-iyadu billah, ils placent leur intention, même s'ils disent bismillah, c'est du shirk. Li'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, li'anallah man dhabha li ghayrillah. Même s'ils disent bismillah. Si tu dis bismillah avec ta langue, ce dhabh, il faut qu'il soit lillah avec ton cœur. إنما الأعمال بالنيات. Mais ça suffit pas هذا. Dire bismillah et sacrifier pour autre qu'Allah. Il y en a ce sacrifice c'est une ibadah. Et ibadatu ghayrillah, c'est shirk. Même s'il dit bismillah, il adore Allah. Il a tout annulé avec son qasd. Wal'iyadu billah. Amma al-dhabh, pour des invités ou pour manger, hada ma'rouf. Lakin, malgré ça, tu dis bismillah quand tu égorges. Ou t'achètes ta viande chez un musulman qui dit bismillah. Et bien sûr, ta niya, c'est pour manger. C'est des choses moubah que Allah t'a rendu halal. Amma, pourquoi sacrifier pour un mort? Ta'lamoun annahum, ils sacrifient pour des morts dans certains mausolées. Ils sacrifient pour des morts. Aroubama, il y a des centaines de bêtes. C'est pas pour manger, ils délaissent. Tout ça pour se rapprocher du mort. Ils savent que c'est pour se rapprocher. Et le fait de se rapprocher du mort, c'est ça, aïnou shirk. Que ce soit avec al-dhabh, ou al-du'a, ou al-nadr, ou ghayri dhalik, les ibadats qu'il a cités, Cheikh al-Islam. Et tout ça, inshallah, al-tafsil akthar, on l'a déjà fait, ma ikhwanina avant, dans Kitab al-Tawhid, et nassallah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq, qu'on refait, ces masaïl, elles sont importantes. Qala wa dalil al-nadr, la dernière ibadah qui cite, et on finit le dars bihada, wa dalil al-nadr, qawluhu ta'ala, yufuna bil-nadr. ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر سين عبادة. Ils traduisent par un vœu. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما. Là, il y a une grosse différence avec un vœu. Un vœu, c'est un mot en langue française, il est employé dans des choses. Rubama, t'as pas cette compréhension. Le vœu, المراد هنا النذر إلزام النفس c'est tu t'imposes quelque chose à ton nafs que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas imposé. C'est ça un vœu, un nadr. مثلا شخص il dit je vais jeûner 3 jours pour Allah et il s'impose, c'est un vœu. Ces 3 jours ils sont obligatoires, alors qu'à la base le siyam qui est obligatoire c'est شهر رمضان فقط. Il s'impose 3 jours مثلا à partir de demain et il se l'impose, ça c'est un nadr. Il est obligé de jeûner les 3 jours. S'il le fait pour un mort, c'est du shirk. Le nadr c'est une ibadah. Naam, Cheikh Ibn Taymiyyah il a détaillé. Cheikh Ibn Baz قال وهكذا النذر عبادة إلزام النفس بأمر غير واجب بأمر ما غير واجب. C'est ça le nadr. قال الله تعالى يوفون بالنذر وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. Et ça c'est un hadith عظيم في هذا الباب. أن celui qui fait un vœu dans une chose, une ibadah, نعم, il fait cette ibadah. Il fait un vœu qui va jeûner, il fait un vœu qui va faire deux rak'at, il fait un vœu qui va faire l'umrah. Il doit faire, ça devient obligatoire. أما s'il fait un vœu d'une chose haram, il n'a pas le droit de faire le haram. Il délaisse. Il fait tawbah. قال فالنذر عبادة وطاعة إذا فعله الإنسان لزمه الوفاء والنذر مكروه. Bien sûr, et on détaillera pas, on a celui qui fait pas son nadr, la kafara, tout ça, nous on détaillera pas, ça c'est في أبواب الفقه. Il y a probablement des détails dans Kitab Tawhid في هذا الباب. لكن Cheikh Ibn Baz, il cite un détail important ou un point important. أن النذر c'est مكروه. Ne fais pas de nadr, أخي الكريم. Pourquoi? Parce que cette chose, elle n'était pas obligatoire. Pourquoi tu te la rends obligatoire? Comme les gens, ils font des nodours. Surtout, Bardoum, ils font des nodours, ils ne sont pas seuls. Un nodour, c'est jam'u nadr, c'est le pluriel de nadr, les vœux. Bardoum, ils font, Robama, je fais le hajj à pied. Ils font un vœu qui doit faire le hajj à pied. Ça devient obligatoire. Comment tu vas faire le hajj à pied? Khassatan, dans cette époque de fitan. Ou, Bardoum, je vais jeûner 2 mois consécutifs. Ya Rab, t'arrives à faire 3 jours dans le mois. Alhamdulillah, si tu l'as fait, alhamdulillah. Il s'impose 2 mois, que personne ne lui a rendu obligatoire. Ça devient obligatoire. Thumma, tu trouves que tel, mais non, mais ils appellent les savants. J'ai fait ce nadr, je peux pas, je suis fatigué, je suis malade. L'Anna, il a fait ce nadr, et Rabbama, il tombe malade. Ah oui, il n'a plus la force. T'as 2 mois à faire. Plus Ramadan. Sans compter Ramadan. فاحذر اخي الكريم من هذا. Tu veux faire une ibadah, توكل على الله. الحسن الظن بالله. Et fais cette ibadah. C'est une nafila, laisse l'amr واسع. T'es fatigué. Alhamdulillah. Tu peux plus. Alhamdulillah, c'est pas obligatoire. أما النذر, vous avez compris que c'est مشقة. C'est pour ça que قال الشيخ بن باز. قال لأن في التزام. فيه نغار كان قال والنذر مكروه لأن في التزام كانه لأن فيه التزام نعم وفيه مشقة المشقة c'est une difficulté alors que الدين il est يسر الدين il est يسر قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير صحيح أي النذر encore plus grave c'est النذر المعلق وعلى العلماء اللي rendent حرام أي إدي si الله سبحانه وتعالى guérit mon enfant je jeûne 3 jours هذا s'appelle النذر معلق أي il le met en condition si telle chose je fais telle chose هذا c'est pas طيب Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, t'as pas besoin de mettre de conditions. Bah, l'ulama, ce nadr il le rend haram. Ne mets pas de conditions et ne fais pas l'autre kadhalik, sans condition. Fais aucun des deux. Si tu fais ce vœu, t'es obligé. Et c'est une ibad. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qal yufuna bin nadr. Et si tu le fais, tu dois respecter. Lakin aslan ne le fais pas. Fa nadr la yati bi khayr. Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna nadr la yati bi khayr. Qal walakin ida nadra ta'a. لزمه الوفاء bien sûr si il a fait le vœu il est obligé de respecter il le fait لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فاذا نذر عباده من صلاه او صوم او غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم et ce bab on l'a détaillé والله الحمد en détail في كتاب التوحيد il y a un bab في النذر et les ulama ils le détaillent dans les shuruh Et ce qu'on a cité, et le tafsil, c'est plus tard pour toutes ces ibadat. Le but de ce sharh, c'est l'ikhtisar. Le sharh qu'on avait fait avec l'ikhwan fi dammad, sharh al-usul talat, on avait détaillé akthar. Les frères, هناك, ils faisaient que talab al-ilm. Et c'était tous les jours. Et on avait du temps. كذلك, la plupart des frères avaient un certain niveau, fil l'ora. اللغه العربيه كذلك ils avaient des autres dorous pour les aider à comprendre كذلك c'est un ishkal tu peux demander à tout ça ça nous avait poussé à faire plus vaste plus détaillé que ce sharh qu'on fait là لكن طيب c'est volontaire لان ce sharh كذلك il est plus simple لان ربما des frères ils avaient pas compris le premier certain masail et celui-là ça sera plus simple inshallah diversifier c'est طيب faire des shuruhat ahyanan plus détaillés ahyanan moins détaillés هذا l'essentiel c'est al-istimrar et concentre-toi sur la mémorisation tu connais l'usul talat par cœur que ça soit avec le sharh de Cheikh Ibn Taymiyyah sharh Cheikh Ibn Baz alhamdoulillah tu comprends l'essentiel et avec les autres durus ça te complétera et inshallah si tu es sérieux tu es motivé tu es régulier il viendra un jour c'est toi qui l'expliqueras bi'idhnillah avec des autres shuruh Cheikh Al-Fawzan il a un sharh tayyib شيخنا يحيى لان شرح مختصر طيب شيخ زيد المدخلي لان شرح طيب كثير من العلماء beaucoup de savants شيخ محمد امان الجامي لان شرح كثير من اهل العلم ils ont expliqué cette رساله كذلك شرح ابن القاسم الحنبلي رحمه الله عليه من احسن الشروح الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك continuez d'apprendre والله الحمد vous apprenez continuez d'apprendre et réviser depuis le début vous avez appris la muqaddima et vous avez appris l'asl l'awwal si vous révisez inshallah on vous fera réciter la muqaddima l'asl l'awwal et nous nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq hayyakum Allah